Les sanctions américaines ne font rire personne, surtout quand il s'agit de restrictions économiques à l'encontre d'entreprises. Visé par des sanctions depuis 2018, l'oligarque russe Oleg Deripaska, qui a perdu plus de 7,5 milliards de dollars depuis, a porté plainte contre le Léviathan américain. Quant au Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain, il a publié un mémorandum dans le cadre de son enquête pour justifier ses sanctions contre l'ancien patron de Roussal. Les informations présentées dans ce mémorandum et les pièces apportées à l'appui donnent des raisons de croire que Oleg Vladimirovitch Deripaska a agi ou agirait pour le compte ou au nom, directement ou indirectement, d'un haut fonctionnaire du gouvernement de la Fédération de Russie et travaille dans le secteur énergétique de l'économie de la Fédération de Russie, et par conséquent devrait être ajouté à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes faisant l'objet d'une interdiction. Le haut fonctionnaire n'est autre que le président Vladimir Poutine. La preuve, la voici. Elle se trouve dans un article publié en 2008 dans le journal américain The Nation. Le 1er octobre 2008, la Nation a rapporté que Deripaska avait dit à l'un de ses plus proches associés avoir acheté une usine d'aluminium à Monténégro en 2005 parce que Poutine l'avait encouragé à le faire. Le Kremlin voulait avoir une zone d'influence en Méditerranée. Une source anonyme prétend donc avoir échangé avec Oleg Deripaska. Mais l'oligarque russe a fourni une réponse à cette accusation. L'acquisition était motivée par des raisons commerciales et visait à en faire une entreprise prospère. La décision a été prise à l'issue de nombreuses séries de négociations et de débats au sein de la direction de l'entreprise. L'usine d'aluminium de Podgorica, KAP, n'a jamais été au centre de l'économie du Monténégro, de sorte que la suggestion qu'elle ait pu être achetée pour des raisons politiques est totalement absurde et ignore la réalité commerciale, politique et économique. Encore une preuve citée par le mémorandum, une petite phrase tirée d'une interview accordée au Financial Times en 2007. L'oligarque disait « Je ne me sépare pas de l'État ». Selon Deripaska, ces mots ont été sortis de leur contexte. L'entrevue a eu lieu en 2007, lorsque les hommes d'affaires russes les plus éminents quittaient le pays pour investir de l'autre côté des frontières et passer leur temps à Londres. La question posée à M. Deripaska était de savoir pourquoi il avait choisi de rester en Russie. Le point sur lequel il a insisté était simplement qu'il ne se détachait pas de sa patrie et ne pouvait pas imaginer son avenir ailleurs. Passons à la deuxième accusation, les activités de Oleg Deripaska dans le secteur énergétique russe. Deripaska est impliqué dans plusieurs projets du Forum économique mondial, y compris ceux qui sont liés à l'architecture de la nouvelle énergie et à l'interaction entre l'industrie d'énergie et la société. Pour les fonctionnaires américains, il est sans doute étonnant qu'un homme d'affaires russe soit invité au Forum économique international. Quant aux accusations sur le groupe EN+, voici la réponse d'Oleg Deripaska. EN+, société fondée par M. Deripaska, n'est pas une entreprise de production d'énergie, opérant dans le secteur du pétrole et du gaz, mais plutôt une activité de service public d'électricité où la production d'électricité représente moins de 20-25%. Ceci est indiqué directement dans le dossier de la première demande d'introduction en bourse de la société, ce que l'OFAC, Service de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain, a vu. Il ne faut jamais croiser le chemin des intérêts économiques américains. Le cas du groupe chinois Huawei l'illustre à merveille. Mais si le Trésor américain base ses accusations sur des articles de presse, remporter un procès face à lui au sein d'un système judiciaire pourtant si vanté devrait être un jeu d'enfant.